Mais que s'est-il passé un 4 mai ? En 1928 est né Wolfgang von Trips, le pilote allemand qui a disputé 27 Grands Prix entre 1957 et 1961, presque tous pour Ferrari. Lors de sa dernière année, il maîtrise la superbe Ferrari 156 à des droquins, remporte 2 victoires et se présente à Monza en tête du championnat du monde. Il va malheureusement perdre la vie dans un accident lors du Grand Prix comme 14 spectateurs, et Phil Hill décrochera le titre dans une ambiance très sombre. En 1969, le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Montjuïc vire presque au drame. Depuis 1968, les ailerons ont fait leur apparition en Formule 1 et en 69, on décide de mettre l'aileron arrière toujours plus haut, avec toujours moins d'éléments pour le tenir. Sur les deux Lotus officiels, l'aileron arrière lâche, les envoyant dans des accidents impressionnants. Heureusement, Graham Hill et Jochen Rindt s'en sortent. En 2003, Michael Schumacher remporte le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, mais ce qui a marqué les spectateurs locaux ce jour-là, c'est la superbe deuxième place du jeune Fernando Alonso entre les deux Ferrari sur le podium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain.